Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses. Quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches. Lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, trop d'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse. La jeunesse s'enfuit, yeah, yeah. Cela semble si court que l'on est tout surpris. Qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence, yeah, yeah. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains plein de savoir, la jeunesse s'enfuit. Cela semble si court que l'on est tout surpris. Yeah, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence.